إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 7, le cours numéro 22, l'explication du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara' fi al-Kitab wa al-Sunnah, c'est-à-dire la réalité de al-Wala wal Bara', de l'alliance et du désaveu selon le Coran et la Sunnah. Et on est dans le principe numéro 7, dans l'explication. Du point numéro 6. Et le point numéro 7 parle au sujet des preuves qui ont rapport avec les deux positions par rapport au fait de prendre l'aide des kuffar et des mushrikin pour se défendre ou bien dans le but d'opposer un ennemi non musulmans ou un ennemi musulman, c'est-à-dire parmi les transgresseurs, et donc de demander l'aide des kuffars dans ce genre de choses. Et on a mentionné qu'il y avait deux positions parmi les positions des ulama. La première position, ceux qui voient que c'est interdit, et on a mentionné certaines preuves de ce qu'ils utilisent pour supporter leur position à ce sujet, puis la position de ceux qui mentionnent que c'est permis. Et on a lu au dernier cours la première preuve à ce sujet-là avec les explications. Maintenant on va lire la deuxième preuve aujourd'hui, Inch'Allah, puis peut-être même jusqu'à la quatrième. Donc Ad-Dalil al-Thani, la deuxième preuve, que les ulama qui disent que c'est permis de prendre l'aide des mushrikines et des kuffars dans le combat contre des kuffars, et donc en tout cas dans tous les détails on va le mentionner plus tard dans le reste, mais le cheikh explique que comme deuxième preuve ici il dit الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بعض الكفار عيبة نصح يقبل أخبارهم ويأذن لهم بمفاوضة الكفار الحربيين بدلا عنه، وهذا يدل على جواز الاستعانة بهم في الجهاد بالشروط السابقة. ففي صحيح البخاري من باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. Donc le cheikh il dit comme pour la preuve numéro 2, il va mentionner donc un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Et il commence en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris certains d'entre les kuffars comme conseillers. Et il les prenait comme conseillers, il avait confiance en eux. Et il acceptait leurs conseils et il leur donnait aussi des conseils. Il acceptait leurs informations, il leur faisait confiance. Et il permettait même à ces koufars de négocier avec les autres koufars en son nom, à sa place. Les koufars qui étaient en guerre avec les musulmans. Et le cheikh il dit que ça c'est la preuve qu'il est permis de prendre l'aide des koufars dans le djihad avec les conditions qu'on a mentionnées précédemment. Il dit, c'est mentionné dans Sahih al-Bukhari, dans le chapitre des conditions dans le djihad et des ententes avec les gens avec qui on est en guerre, et d'écrire les conditions, l'écriture des conditions. Donc c'est un chapitre dans Sahih al-Bukhari, al-Shurut fil jihad wal-musalahatu ma'a ahli al-harbi wa kitabati al-Shurut. C'est rapporté selon al-Miswar ibn Makhrama, al-Marwan ibn al-Hakam, yusaddiqu kull wahidin minhuma hadithahu, haditha sahibihi, wa dhakara nuzul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Hudaybiyya, wa fihi idhja'a Budayl ibn Warqa al-Khuza'i. في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال في رواية ابن أبي شيبة يا محمد إني تركت كعب بن لؤي وعمر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلو بيني وبين الناس ويخل بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاء أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سافلتي ولينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا الحديث. Donc le cheikh il mentionne que c'est un hadith qui est rapporté selon Al-Miswar ibn Makhrama et Marwan ibn al-Hakam, et que chacun des deux il confirme le hadith de l'autre, et que dans ce hadith on a la mention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Hudaybiyya, et à cet endroit-là il y a un homme de Khuza'a, qui s'appelle Budayl ibn al-Warqa. Et bien entendu, les gens de Khuza'a, ce ne sont pas des musulmans, comme on a expliqué déjà. En majorité, c'était des mouchriquins. Donc, il dit que cet homme, Budayl ibn al-Warqa al-Khuza'i, il est venu avec un groupe avec lui de la tribu de Khuza'a. Et comme il mentionne ici, qu'il faisait partie de ceux qui avaient la confiance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens de Tuhama. Tuhama, c'est la région de la Mecque et des alentours. Donc les gens de Tuhama, parmi les gens de Tuhama, la tribu de Khuza'a avait la confiance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une narration de Ibn Abi Shayba, il dit, Ô Muhammad, j'ai laissé Ka'b ibn Lu'ay et Amir ibn Lu'ay, et ils sont descendus là où il y a les eaux de Al-Hudaybiyya. Et quand il dit Ka'b ibn Lu'ay et Amir ibn Lu'ay, il parle de Quraysh. En voulant dire, j'ai laissé Quraysh là où il y a l'eau de Al-Hudaybiyya, et ils sont venus avec les chamelles les chamelles qui ont al-matafil, al-uz al-matafil, ça veut dire les chamelles qui ont du lait, hein, ou les chamelles avec leurs petits. Et dans Fath al-Bari, il y a l'explication que peut-être que ça fait référence aussi aux femmes et leurs enfants. Parce que des fois, à l'époque, les gens, quand ils faisaient la guerre, ils amenaient avec eux leurs femmes et leurs enfants pour les encourager. Et en même temps, comme si pour les inciter à combattre, ou si pour pas avoir la honte de tourner le dos et que les femmes les voient en train de tourner le dos, donc pour les encourager au combat. Il y en a qui ont mentionné que ça voulait dire ça, d'autres ont dit que c'est la chamelle qui a du lait ou la chamelle avec ses petits, donc dans le sens que ils avaient amené avec eux les chamelles qui ont du lait, donc ils n'avaient pas besoin de retourner à Mecca. Ils avaient leur nourriture avec eux. Donc c'est pour dire qu'ils étaient prêts à combattre, même si c'est un combat qui allait durer longtemps. Donc, et il dit, ils veulent te combattre et t'empêcher de rentrer à la Kaaba, yani rentrer à Mecca. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, nous ne sommes pas venus pour combattre quiconque et nous sommes uniquement venus pour faire la Umrah. Donc, ensuite il a dit, Quraysh a été affaibli par la guerre et la guerre leur a causé du tort. Donc, s'ils veulent, je leur donne un délai, c'est-à-dire, il leur propose de faire une entente de paix pour une durée spécifique et à condition qu'il me laisse faire ma da'wah et yani, appeler les gens. Et par la suite, il dit, si j'ai le dessus sur eux, par la suite, donc s'ils veulent entrer dans ce que les gens vont, dans ce que les gens acceptent par rapport à, en voulant dire, l'islam, s'ils veulent par la suite entrer dans l'islam comme les gens sont rentrés dans l'islam, hein, alors ils pourront le faire, sinon ils auront pris leur force, hein. Et s'ils refusent, alors je jure par celui qui tient mon âme en sa main que je vais combattre, que je vais les combattre sur la chose sur laquelle je me tiens, c'est-à-dire sur cette religion, jusqu'à ce que je meure, hein, et que Allah établisse ou exécute son ordre. Alors Boudail a dit, je vais leur transmettre ce que tu leur as dit. Alors, il est parti vers Quraysh, hein, et lorsqu'il est arrivé à Quraysh, il leur a dit, je vous viens de la part de cet homme, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous l'avons entendu dire cette parole, donc si vous voulez que je vous dise ou que je vous présente ce qu'il a dit, alors je vais vous présenter ce qu'il a dit. Donc ça, c'est rapporté par Al-Bukhari dans le volume 5 de Fath al-Bari, page 388, le hadith 2731, et dans la Musannaf de Ibn Abi Shayba aussi, le Kitab al-Maghazi. Donc le Cheikh, il dit ensuite, زاد الإمام أحمد في روايته قال محمد يعني ابن إسحاق قال الزهري وكانت خزاعة في عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها وكافرها مسلمها ومشركها لا يخفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان بمكة. Non, donc ensuite il y a une autre narration de l'imam Ahmed dans laquelle on mentionne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait confiance à Khuza'a, hein, il leur donnait sa confiance et il s'échangeait des conseils. Donc il faisait confiance à Khuza'a, les musulmans de Khuza'a, de même que les mushrikines de Khuza'a. Et il n'y a rien qui leur était caché de, yani, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, yani, lorsqu'il était à Mecca. Donc, c'est pour dire que le prophète صلى الله عليه وسلم avait l'aide de Khuza'a. Il dit wa Budayl al-Khuza'i alladhi kana ma'a qawmihi aybata nushin li Rasulillah صلى الله عليه وسلم wa dhahaba li ahli Makkah يعرض عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا في ذلك الوقت ثم أسلم يوم الفتح. قال ابن عبد البر عنه أسلم وهو أسلم هو وابنه عبد الله بن بديل وحكيم بن حزام يوم فتح مكة بمر الظهران في قول ابن شهاب. وذكر ابن إسحاق أن قريشا يوم فتح مكة لجأوا إلى دار بديل ابن ورقاء الخزاعي ودار مولاه رافع، وشهد بديل وابنه عبد الله حنينا والطائف وتبوك، وكان بديل من كبار مسلمة الفتح، وقد قيل إنه أسلم قبل الفتح. انتهى كلامه. Donc, le cheikh explique ici ensuite que Budayl al-Khuza'i, qui était avec son peuple de Khuza'a et qui avait la confiance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est parti aux gens de Mecca pour leur présenter l'offre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était kafir à ce moment-là et qu'il s'est converti le jour de la conquête de la Mecque. Comme l'imam Ibn Abd al-Barr, il le mentionne dans son livre Al-Isti'ab, il dit que Budayl al-Khuza'i, donc il s'est converti lui ainsi que son fils Abdullah ibn Budayl et Hakim ibn Hizam le jour de la conquête de Mecca. Dans un endroit qui s'appelle Murr al-Zahran, selon la parole de Ibn Hisham. Et Ibn Ishaq, il dit que Quraysh, le jour de la conquête de la Mecque, se sont réfugiés dans la maison de Budayl ibn Warqa al-Khuza'i et la maison de son esclave. Libéré Rafi. Et Budayl a été du nombre de ceux qui ont participé avec son lui et son fils ont participé à la bataille de Hunayn et de Taif et de Tabouk. Il dit et Budayl était parmi les musulmans de min kibar muslimat al-fath. Muslimat al-fath. Donc, en voulant dire qu'il faisait partie des gens importants lors de la conquête de la Mecque. Et certains ont mentionné qu'il s'était converti un peu avant la conquête. Fin de la citation. Le cheikh il dit « Qultu rawa al-Bukhari min tariqi Urwa ibn Zubayr qala lamma sara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-fath » فبلغ ذلك قريشا وخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقة يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الزهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة فقال بديل بن ورقة نيران بني عمرو فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عروة وأخبرني نافع ابن جبير ابن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير ابن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية Donc, on va traduire cette partie. Il dit, et ça a été mentionné ou rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Urwa ibn Zubayr. Il a dit que lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est parti le jour de la conquête de la Mecque, et qu'il est arrivé, et que cette information a atteint Quraysh, Abu Sufyan ibn Harb, de même que Hakim ibn Hizam et Budayl ibn Warqa, sont partis pour vérifier l'information auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont avancé jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit qui s'appelle Marr al-Zahran. Et voilà qu'ils ont vu des feux, comme les feux de Arafah. Donc ils ont vu des feux de camp, comme c'est des feux de camp qui sont allumés. Et ça donnait l'impression comme si c'était les feux de camp de Arafah. Alors Abu Sufyan a dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Comme si on dirait que ce sont les feux de Arafah. Et Budayl a dit, Budayl ibn Warqa, il a dit, ce sont les feux de Bani Amr, la tribu de Amr. Et Abu Sufyan a répondu, Amr sont moins nombreux que ça. Banu Amr sont moins nombreux que ça. Et il y a au même moment des gens qui montaient la garde parmi les gens qui étaient avec le messager d'Allah, les ont vus et les ont pris et les ont amenés au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Urwa a dit, Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im m'a informé qu'il a entendu Al-Abbas dire à Zubair ibn al-Awam, ô Abu Abdullah, c'est ici que le messager d'Allah t'a ordonné d'installer la bannière ou le drapeau. Donc ça c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, volume 7, la page 597, le hadith 4280. أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح où le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avait centré la bannière ou le drapeau le jour de la conquête. زاد الطبراني من طريق ابن لهيعة عن الأسود عن عروة قال فبات أي أبو سفيان مع عباس وأما حكيم بن حزام وبديل بن ورقا فدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلما وجعل يستخبرهما على أهل مكة. Donc ici il dit que l'imam al-Tabarani l'a rapporté selon la voix de Ibn Luhay'a, selon Abi al-Aswad, selon Urwa, qu'il a dit que Abu Sufyan a passé la nuit avec Abbas ce jour-là, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Hakim ibn Hizam et Budayl ibn Warqa sont rentrés chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont convertis à l'islam tous les deux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur demandait des informations à propos des gens de Mecca. Donc ça c'est rapporté dans Al-Mu'jam al-Kabir. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهكذا أورده مرسلا ولم أره في شيء من الطرق عن عروة موصولا ومقصود البخاري منه ما ترجم به المقصود البخاري منه ما ترجم به وهو آخر الحديث أنه موصول عن عروة عن نافع بن جبير بن مطعم عن العباس بن عبد المطلب والزبير بن العوام انتهى كلامه قلت رواه أبو داود والطبراني من طريقين عن ابن عباس رضي الله عنه ورواه الطبراني كذلك عن ميمونة بنت الحارث وأسانيدها بمجموعها حسان. Donc ça c'est par rapport à la chaîne de transmission et qu'est-ce qui a été dit là-dessus par l'imam Ibn Hajar. Donc, le cheikh, il mentionne ensuite les paroles d'Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il dit pas le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, puis Majmou al-Fatawa, « وَكَانَتْ خُزَعَةَ عِبَةَ نُسْحِ رَسُولِ اللَّهِ مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ وَكَانَ يَقْبَلُ نُسْحَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ وَكُلُّ هَذَا فِي الصَّحِحَيْنِ وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ يَنْصُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَذُبُّ عَنْهُ مَعَ شِرْكِهِ وهذا كثير فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. Donc ça c'est, on l'a lu au dernier cours, la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou al-Fatawa, le volume 4 à la page 114, au sujet du fait que Khuza'a prenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait les conseils de Khuza'a, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, et ça c'est rapporté dans As-Sahihain, et il acceptait leurs conseils et lui aussi leur donnait des conseils également. Et Abu Talib défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il repoussait les attaques contre lui de la part de Quraysh alors qu'il était un mushrik. Et de même que plusieurs d'entre les mushrikines et les gens du livre, parmi eux il y en a qui sont honnêtes et fiables. Et donc il mentionne le verset qu'on a expliqué au dernier cours à propos des gens du livre à ce sujet-là. Ensuite, le Cheikh dit « وقال ابن حجر في فتح الباري » volume 5, page 397. « بعد ذكر قول الزهري وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة وكان الأصل في موالاة خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة فاستمروا على ذلك في الإسلام وفيه جواز استمصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم ويستفاد منه جواز استمصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. انتهى كلامه رحمه الله. Donc l'imam Ibn Hajar dans Fath al-Bari volume 5 page 397, ça c'est en fait dans l'explication du hadith qu'on a lu au début par rapport à Al-Hudaybiyah. C'est le hadith de l'explication du hadith 2731. L'imam Ibn Hajar il fait un commentaire à la suite de ce hadith là et il explique la partie où il mentionne la parole de Az-Zuhri, après avoir mentionné la parole de Az-Zuhri lorsqu'il a dit que Khuza'a avait la confiance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans d'entre eux, de même que les mushrikines d'entre eux, et rien ne leur était caché, hein, de qu'est-ce qui se passait à Mecca. Là, il ne lui cachait rien de ce qui se passait à Mecca. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était informé de qu'est-ce qui se passait à Mecca, de par Khuza'a. Et il disait, وَكَانَ الْأَصْلُ فِي مُوَالَاةِ. Donc, il explique, l'imam Ibn Hajar, il explique que, à la base, l'alliance qu'il y avait entre Khuza'a et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une alliance qui datait depuis la Jahiliyyah, entre Bani Hashim et Khuza'a. Et cette alliance, elle a continué même après l'islam. Elle a continué dans l'islam aussi. Et il y a dans ce hadith la permission de demander de prendre le conseil de certains d'entre les musulmans, de prendre le conseil de certains d'entre les non-musulmans avec qui on a une entente de paix, de même que les gens de Ahl-Zimma, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs qui vivent parmi les musulmans dans les pays musulmans, Ahl-Zimma. Et ils disent si les indices montrent leur sincérité. Donc si, à partir des indices, on a pu montrer qu'ils sont des gens sincères envers les musulmans et qu'on a pu prendre un témoignage des expériences qu'on a eues avec eux, que ces gens-là préfèrent les musulmans sur les autres. On a vu avec l'expérience qu'on a eue avec eux dans le temps que ces gens-là sont sincères envers les musulmans et qu'ils préfèrent les musulmans aux autres, même si c'était, même si ils sont sur leur religion, même si c'était des gens de leur religion. Donc ils préfèrent les musulmans aux gens de leur propre religion. Et il dit وَيُسْتَفَادْ مِنْهُ جَوَازَ اسْتِمْصَحْ بَعْدَ مُلُوكَ الْعَدُوِ. Donc il dit on peut également tirer de ça qu'il est permis de prendre le conseil de certains et d'avoir une bonne relation avec les ennemis, les rois des ennemis. Avec les rois des ennemis, pour avoir le dessus sur d'autres. C'est-à-dire, il dit ici le chef, يستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم. C'est-à-dire qu'il est permis de prendre le conseil de certains des rois à propos des de prendre l'aide de certains rois parmi les ennemis, parmi les kuffars, pour prendre le dessus sur d'autres parmi eux. Et cela ne fait pas partie de prendre les kuffars pour alliés, ni d'aimer les ennemis d'Allah. Il dit cela fait uniquement partie de cela fait plutôt partie de les utiliser pour diminuer leur force lorsqu'ils sont réunis. Donc le fait qu'ils soient, que certains d'entre eux soient avec nous, ça fait en sorte qu'ils soient désunis entre eux et ça diminue leur force. Et en même temps, ça fait en sorte qu'ils se frappent les uns les autres aussi. Et cela n'implique pas du tout cela n'implique pas non plus la permission de prendre l'aide des mouchriquins de façon absolue. Fin de la citation. Donc dans cette parole de l'imam Ibn Hajar, il y a des détails par rapport à la question et on voit que c'est une question qui existe dans les livres de hadith et de fiqh et que les ulama en ont parlé de ces cas-là et de ces situations-là depuis bien longtemps. Ils ont clarifié les verdicts de la charia à ce sujet-là en se basant sur les références de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna et dans la sira. Donc la preuve numéro 3 maintenant, الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عينا كافرا مأمونا للتجسس على الكفار الحربيين وهذا يدل على جواز الاستعانة بهم في الجهاد بالشروط السابقة. ففي صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة وثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك. نعم. Donc ici le cheikh il mentionne que comme la preuve numéro 3 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait utilisé un espion non musulman, un espion kafir qui était fiable et qu'il espionnait les koufars qui étaient en guerre contre lui, pour lui. Hein. Et donc ça prouve qu'on a le droit de prendre l'aide des koufars dans le djihad, avec les conditions précédentes. Et comme c'est rapporté dans Al-Bukhari, selon Al-Miswar ibn Makhrama et Marwan ibn al-Hakam, et chacun rajoute sur la version de son compagnon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti l'année de Al-Hudaybiyah avec une centaine d'entre ses compagnons. Et lorsqu'ils sont arrivés à Dal-Hulayfa, l'endroit où il y a le Miqat à Médine, il avait avec lui les offrandes qu'il amenait pour faire le sacrifice, et il a fait l'ihram à ce moment-là, et il a prononcé donc qu'il voulait faire une umrah, puis il a envoyé son espion de la tribu de Khuza'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à avancer jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit qui s'appelle Ghadir al-Ashtat. Puis à ce moment-là, c'est là que son espion est revenu. Et il a dit que Quraysh avait réuni un grand nombre de personnes et qu'ils se sont réunis pour combattre et pour empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avancer vers la Kaaba. C'est-à-dire ils étaient prêts à le repousser, à ne pas le laisser rentrer à Mecca. Ça c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, volume 7, dans Fath al-Bari, le hadith 4180. Le cheikh il dit « واختلف في هذا العين ففي رواية سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم لم يسمى بل قال بعث عينا له من خزاعة ورواه الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فسمياه بسر بن سفيان الكعبي ورواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن ابن عبد العزيز الأنصاري عن الزهري عن عروة بن الزبير فقال وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يدعى ناجية ويأتيه بخبر القوم وجزم ابن عبد البر بذلك فقال في الاستيعاب بسر ابن سفيان ابن عمرو ابن عويمر الخزاعي أسلم سنة 6 من الهجرة وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا إلى قريش إلى مكة وشهد الحديبية وهو المذكور في حديث الحديبية من رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان وقوله حتى إذا كنا بغدير الأشطاط لقيه عينه الخزاعي فأخبره خبر قريش وجموعهم قالوا هو بسر بن سفيان هذا انتهى كلامه وجزم به كذلك ابن سعد في الطبقات وابن حبان في الثقات وقال الحافظ بن حجر وروى عبد العزيز الإمام عن الزهري في هذا الحديث عند ابن أبي شيبة خرج صلى الله عليه وسلم في 1800 وبعث عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش كذا سماه ناجية. والمعروف أن ناجية اسم الذي بعث معه الهدي كما صرح به ابن إسحاق وغيره. وأما الذي بعثه عينا لخبر قريش فاسمه بسر بن سفيان وكذا سماه ابن إسحاق وهو بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح. انتهى كلامه. قلت ولكن رواية عروة لها وجه من القوة أيضا لأن الخلافة وقع في الاسم بين ابن إسحاق وعبد العزيز ابن عبد الرحمن الإمامي وكلاهما من علماء المغازي ومتقاربان في الحفظ بل إن ابن إسحاق خالفه من هو أوثق منه سفيان ومعمر اللذان أبهم الاسم الله أعلم. Donc ici par le cheikh explique c'était par rapport à cet espion qui est-ce qu'il était et il mentionne la divergence qu'il y a à ce sujet-là. Donc il mentionne que au sujet de cet espion il y a la narration de Sufyan ibn Uyayna et de Ma'mar ibn Rashid selon Az-Zuhri, selon Urwa ibn Zubayr, selon Al-Miswar ibn Makhrama ou Marwan ibn al-Hakam. Il dit qu'ils n'ont pas mentionné le nom de cet espion. Ils ont seulement dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un espion de la tribu de Khuza'a. Et l'imam Ahmad l'a mentionné par la voix de Muhammad ibn Ishaq, selon Az-Zuhri, selon Urwa ibn Zubayr, selon Al-Miswar ibn Makhrama et Marwan ibn al-Hakam. Les deux l'ont nommé ici, et que son nom c'était Bisr, ou Busr, ibn Sufyan al-Ka'bi. Busr ibn Sufyan al-Ka'bi. Donc ça, ce serait le nom de cet espion ici. Ça, c'est dans la Mousnad de l'imam Ahmad. Ok, et c'est rapporté également selon Ibn Abi Shayba. Selon Abdurrahman ibn Abdul Aziz al-Ansari, selon Az-Zuhri, selon Urwa, selon Zubayr, qu'il a dit que celui qui a été envoyé, c'était un espion de Khuza'a, de la tribu de Khuza'a qui s'appelait Najia, et qui devait ramener les informations à propos de Quraysh. Donc ça c'est dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Ibn Abd al-Barr dans Al-Isti'ab volume 1 page 247 il est comme s'il confirme il mentionne avec certitude que c'était celui-là Najia ou bien plutôt que c'était parce qu'il dit Ibn Abd al-Barr il dit Bisr ibn Sufyan que c'était Bisr ibn Sufyan c'est ça Bisr ou Busr un des deux je ne suis pas certain mais la prononciation là exact du prénom je crois que c'est Bess ou Boss un des deux et il dit donc que c'était son nom au complet Bessr ibn Sufyan ibn Amr ibn Uwaymir al-Khuza'i. Il s'est converti l'année 6 après la Hijra et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé comme espion vers Quraysh vers Mecca et il a participé à Al-Hudaybiyah. Il était présent à Al-Hudaybiyah. Et c'est lui qui est mentionné dans le hadith d'Al-Hudaybiyah, dans la narration de Az-Zuhri, selon Urwa, selon Al-Miswar et Marwan. Et il dit, jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit qui s'appelle Ghadir al-Ashtat, c'est là qu'il a rencontré son espion, de la tribu de Khuza'a, et il lui a donné les informations de, à propos de Quraysh et de leur rassemblement. Et ils ont dit qu'il s'appelait Bisr ibn Sufyan, Hada. Donc que c'était lui, Bisr ibn Sufyan. De même que Ibn Sa'd dans At-Tabaqat et Ibn Hibban dans At-Thiqat et Al-Hafiz ibn Hajar, il confirme ça aussi. Na'am. Donc il mentionne la citation de Ibn Hajar dans Fath al-Bari à ce sujet-là. Et en ce qui concerne celui qui s'appelle Najia, il dit que Najia, c'est la personne, c'est le nom qu'on donne à quelqu'un qui est envoyé avec les offrandes, avec les animaux qui doivent être sacrifiés. On l'appelle Najia, comme ça a été mentionné par Ibn Ishaq et d'autres. En ce qui concerne celui qui a été envoyé comme espion pour donner l'information à propos de Quraysh, son nom c'est Bisr ibn Sufyan. Donc ça c'est son identité. Et donc c'est celui-là. Ensuite il dit wa qala al-Khattabi fi ma'alim as-Sunan, le sharh de Sunan Abi Dawud, wa fihi anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam arsala al-Khuza'i wa ba'athahu 'aynan thumma saddaqahu fi qawlihi wa qabila khabarahu wa huwa kafir. وذلك لأن خزاعة كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم لحلف كان بينهم في الجاهلية ولعله أيضا لم يجد من المسلمين من ينوب عنه في تعرف الخبر والتجسس والبحث عن أمر العدو ثم إن ذلك أمر لا يكاد يتحققه إلا من لابس العدو وداخلهم واستبطن سرهم وهذا متعذر وجوده غالبا في المسلمين. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique, il mentionne la parole de l'imam al-Khattabi dans Ma'alim al-Sunan, le volume 4 à la page 20, à la page 72. Il dit qu'il y a ici, il y a parmi les points de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un espion de la tribu de Khuza'a. Et ensuite il a cru en sa parole, il a accepté son information alors qu'il était kafir. Alors qu'il n'était pas musulman. Et il dit que la raison de ça, c'est parce que Khuza'a, la tribu de Khuza'a, avait la confiance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit musulman ou non musulman, à cause d'une alliance qu'il y avait entre eux dans la jahiliya. Et il dit que également, probablement, qu'il n'avait pas trouvé quelqu'un parmi les musulmans qui pouvait prendre sa place pour avoir les informations à propos des ennemis et pour espionner et pour avoir faire des recherches au sujet des affaires de l'ennemi. Puis en plus également, c'est que c'est une chose qui ne pouvait pas se réaliser de la part d'un musulman, c'est-à-dire de pouvoir se mélanger à l'ennemi complètement, de rentrer là où ils sont et de rester avec eux pour connaître leurs secrets. Ça, c'est quelque chose qui en général n'était pas possible pour les musulmans de faire. Donc ça, c'est la fin de la citation. فَاَعْتَرَضَهُ الْحَافِظ ibn Hajar. Donc ibn Hajar, il s'est objecté à la parole de Al-Khattabi, et il a dit ce qui suit dans Fath al-Bari, dans le volume 5 à la page 416. Il dit قائلاً ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور قد أسلم ولم يشتهر إسلامه حينئذ فليس ما قاله دليلا على ما ادعاه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قلت إن كان هو بسر بن سفيان فقد أسلم سنة 6 كما قال الحافظ بن عبد البر آنفا أي قبل الحديبية. ولكن ابن عبد البر لم يذكر مستنده في ذلك خاصة إن ظاهر النص وسياقه يؤيد استنباط الخطابي لقوله عينا من خزاعة ولم يقل من المسلمين، وهذا مع التنبيه على وجود الخلاف في أصل تسمية هذا العين كما سبق آنفا، ولذا درج العلماء على طريقة الخطاب في استنباطه. Donc le cheikh il explique que l'imam al-Hafiz ibn Hajar s'est objecté à la parole de l'imam al-Khattabi dans Fath al-Bari le volume 5 à la page 416 en disant que il est possible que cet espion de la tribu de Khuza'a s'était déjà converti et que son islam n'avait pas été quelque chose qui a été connu. Et il dit donc ce qu'il a dit n'est pas une preuve pour supporter ce que l'imam al-Khattabi a dit n'est pas une preuve pour supporter ce qu'il a prétendu, et Allah connaît mieux ce qui est vrai. Fin de la citation. Maintenant le cheikh il commente donc la parole de l'imam Ibn Hajar et il dit que il s'agit de si l'espion en question c'est Bisr ou Busr ibn Sufyan radiyallahu anhu, alors selon qu'est-ce que Al-Hafiz ibn Abdul Bar a dit plus tôt, comme on a mentionné, qu'il s'est converti en l'an 6 et donc avant Al-Hudaybiyah. Donc dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là on pourrait dire qu'il était déjà musulman, sauf que Ibn Abdul Bar n'a pas mentionné de référence pour prouver ce qu'il a dit par rapport à sa conversion. Et le hadith lui-même, lorsqu'on le lit dans l'histoire de Al-Hudaybiyah, dans l'histoire elle-même, si on prend qu'est-ce qui est dit dans son sens apparent, on voit que ça supporte ce que l'imam Al-Khattabi a dit. Parce que dans le hadith, on mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé son espion ou un espion de Khuza'a, et il n'a pas dit un espion d'entre les musulmans. Ça prouve que dans le hadith lui-même ça supporte la parole de l'imam al-Khattabi, puisque on n'a pas désigné cet espion-là comme étant un musulman mais comme faisant partie de Khuza'a. Donc ça indiquerait qu'il n'était pas encore musulman. Et il dit, et ça c'est en plus, on doit mentionner également la divergence qui existe sur, à la base, le nom de cet espion-là, comme on l'avait dit précédemment dans l'explication, qu'il y avait une divergence même au sujet du nom de cet espion-là. Et en général, les ulama ont pris l'opinion de l'imam al-Khattabi dans sa compréhension de ce hadith-là et qu'est-ce qu'il a extrait comme point bénéfique de ce hadith. Et il mentionne ensuite la parole de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya dans son livre Zad al-Ma'ad, le volume 3 à la page 301. Il dit « Fi fawa'id qissat al-Hudaybiyah wa minha anna al-isti'anata bil-mushrik al-ma'moun fil-jihad ja'iza inda al-haja لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne donc la parole de l'imam Ibn al-Qayyim qui cite dans Zad al-Ma'ad le volume 3 à la page 301. Parmi les bienfaits de l'histoire de Al-Hudaybiyah, il y a que il est permis de prendre l'aide d'un mouchrik en qui on a confiance dans le djihad, et que c'est permis lorsqu'il y en a un besoin. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à ce moment-là un espion de la tribu de Khuza'a qui était mécréant. Et il dit ici « wafihi min al-maslaha » Et parmi les bienfaits de ça, c'est qu'il est plus proche de se mélanger à l'ennemi et de prendre leur information, puisqu'il n'est pas musulman. Donc ça c'est la fin de cette citation là de l'imam Ibn al-Qayyim. قال الشوكاني في نيل الأوتار le volume 8 à la page 190 في فوائد الحديث وأن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو وإن الاستعانة بالمشرك الموثوق به في أمر الجهاد جائز للحاجة لأن عينه الخزاعي كان كافرا وكانت خزاعة مع كفرها عيبة نصحه انتهى كلامه. Donc l'imam al-Shawkani mentionne dans Nail al-Awtar, le volume 7 à la page 190, parmi les bienfaits de les points bénéfiques de ce hadith, il mentionne que le chef de l'armée dans le djihad, il a le droit d'envoyer il a le droit d'envoyer au devant de lui-même des espions vers l'ennemi. Et que c'est permis de prendre l'aide des mouchriquins en qui on a confiance dans les questions de djihad, et que c'est quelque chose qui est permis pour un besoin quelconque. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un espion de la tribu de Khuza'a qui était mécréant. Et il dit que Khuza'a, malgré leur mécréance, avait la confiance du messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait ses secrets, hein, il leur faisait confiance. Maintenant la quatrième preuve دليل الرابع للشيخ الجيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عن قتال المسلمين والروم معا في صلح بينهم لعدو من ورائهم مما يدل على جواز الاستعانة بالكفار المعاهدين على قتال الكفار الحربيين فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ذي مخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا أمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي طلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تخذر الروم وتجمع للملحمة. نعم. Donc le cheikh mentionne comme preuve numéro 4 un dalil qu'on a déjà mentionné préalablement dans les cours précédents, mais il le cite maintenant comme preuve numéro 4. C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que dans les derniers temps il y aura un combat contre des gens, et que dans ce combat-là, les musulmans allaient être alliés avec Ar-Rum. Ils vont être alliés avec Ar-Rum, et qu'ils vont faire une entente, hein, de paix entre eux, et ils vont être alliés dans cette guerre-là contre un ennemi qu'ils ont en commun. Et ça, c'est la preuve que il est permis de prendre l'aide des kuffars avec qui on a une entente de paix contre un ennemi parmi les kuffars qui sont en guerre avec les musulmans. Et il mentionne ce hadith qui est rapporté par Ahmad et Abu Daoud et Ibn Majah selon une chaîne de transmission authentique qui dit que un d'entre les messagers, un d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a entendu dire, vous allez faire une entente de paix avec Ar-Rum et vous allez être donc en paix avec eux et vous allez, vous ainsi que eux, combattre un ennemi que vous avez derrière vous et vous allez avoir le dessus, c'est-à-dire vous allez avoir la victoire et que vous allez ensemble avoir les butins de guerre. Et ensuite, vous allez revenir jusqu'à un endroit qui s'appelle Marajizi Touloul. Donc c'est une prairie ou un endroit où les armées vont se réunir. Puis, une fois qu'ils seront là, il y a un homme parmi les chrétiens qui va monter une croix, qui va soulever une croix. Et il va dire que c'est la croix qui a eu la victoire, ou qui nous a donné la victoire, ou des choses comme ça. Alors, un homme parmi les musulmans va se mettre en colère quand il va voir ça, et il va briser la croix. À partir de ce moment-là, c'est là que Ar-Rum va briser l'entente de paix, et ils vont se réunir pour la guerre contre les musulmans. زاد أبو داود في رواية له ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة وزاد الطبراني كذلك وبين في روايته أن مدة الصلح عشر قال فينزل جيش منكم في مدينتهم فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم وورائهم فتقاتلون ذلك العدو فيفتح الله لكم فتنصرفون بما أصبتم من أجر وغنيمة وزاد ابن حبان في روايته فيأتون ملكهم فيقولون كفيناك جزيرة العرب فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غاية وتحت كل غاية 12,000 وذكر تحت باب ذكر الإخبار عن وصف مصالحة المسلمين الروم وذكره المجح في المنتقى تحت باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين. Donc le cheikh il mentionne qu'il y a d'autres narrations qui rajoutent des détails. Abu Daoud, dans la narration d'Abu Daoud, il y a l'ajout suivant que les musulmans vont se jeter sur les armes et vont combattre et Allah va les honorer ce jour-là. Va honorer ce groupe-là par le martyr, c'est-à-dire ils vont être martyrs. Et ça c'est rapporté donc également par Ibn Hibban aussi dans son Sahih. Et At-Tabarani, il mentionne, il a rajouté aussi que il y a une durée, la durée de l'entente sera de 10. Que la durée de l'entente sera de 10. Bon. Il n'a pas mentionné si c'était 10 mois ou 10 années. C'est pas détaillé, c'est pas mentionné. Ensuite, il dit donc dans la narration de Al-Tabarani, فَيَنْزِلُ الْجَيْشِ. Donc il y a une armée d'entre parmi vous qui va descendre dans leur ville et vous allez combattre vous et eux un ennemi que vous avez en commun qui est derrière vous et derrière eux et vous allez combattre cet ennemi et Allah va faire que vous allez avoir la victoire. Allah va donner la victoire par vous et vous en allez avec ce que vous avez eu comme récompense et comme butin. Et Ibn Hibban, il rajoute un autre détail à cette narration-là. Fayatuna malikahum, donc ils vont retourner à leur roi. Arum vont retourner donc à leur roi. Ils vont dire: nous avons défendu la péninsule arabe. Donc ils vont se réunir pour la guerre. Et nous t'avons défendu contre la péninsule arabe, c'est ça. Et ils vont se réunir pour préparer la guerre. Et ils vont venir avec 80 bannières. Derrière chaque bannière, il y aura 12 000 soldats. Et ça, c'est rapporté dans le chapitre qui s'intitule la mention de l'information ou de la description de l'entente de paix qui existera, ou de l'alliance qui existera avec les musulmans et à Rome. Et dans Al-Muntaqa, le livre de hadith qui a été rassemblé par Al-Majd, c'est-à-dire le grand-père du Cheikh Ibn Taymiyyah, dans son recueil de hadith sur les ahkam qui a été expliqué par l'imam Ash-Shawkani, il a mentionné ce hadith-là et il l'a mis dans le chapitre qu'il a intitulé « Ce qui a été dit au sujet de prendre l'aide des mouchriquins ». Donc ils l'ont appelé comme ça. Ensuite, le Cheikh il mentionne les paroles de l'imam Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, comme on l'a déjà cité, dans Majmu' Fatawa wa Maqalat, le volume 6 à la page 185. Il dit, Cheikh Ibn Baz, وهو يبين جواز الاستعانة بالكفار للضرورة أو للحاجة وهذا لا شك في جوازه إذ لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين وحمايتهم وصد العدوان عنهم وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين الذي ذكره العلماء في باب حكم المرتد فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه المسلمين فهذا هو الذي لا يجوز أما أن يستعين المسلم بكافر فليدفع الشر كافر آخر أو مسلم معتد أو يخشى عدوانه فهذا لا بأس به وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تصالحون الروم صلحا أمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدو من ورائكم فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي كان وراءنا الذي وراءنا انتهى كلامه رحمه الله. Donc le Cheikh Ibn Baz il mentionne en clarifiant la permission de prendre l'aide des kuffar par nécessité ou pour un besoin. Donc Cheikh Ibn Baz, il dit dans le volume 6 à la page 185 dans Majmu' Fatawa wa Maqalat, il dit qu'il n'y a pas de doute que cela est permis et il n'y a aucun mal de prendre l'aide que les musulmans prennent l'aide d'autres que les musulmans pour se défendre pour défendre les pays musulmans, pour protéger les pays musulmans contre une transgression qui est faite contre eux. Et cela ne fait pas partie d'aider les koufars contre les musulmans qui a été mentionné par les ulama dans le chapitre du verdict de l'apostat. Parce que le cheikh explique que ça c'est lorsqu'un musulman supporte un kafir contre ses frères musulmans. Et ça, c'est ce qui n'est pas permis. Et ça, c'est ce qui n'est pas permis. Toutefois, de prendre l'aide, le fait qu'un musulman prenne l'aide d'un kafir pour repousser le mal d'un autre kafir, ou qu'un musulman prenne l'aide d'un kafir pour repousser les transgressions d'un musulman transgresseur, ou de quelqu'un dont on craint la transgression, alors cela n'est pas interdit, il n'y a aucun mal là-dedans. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, « Inna kuntu salihun », c'est-à-dire vous allez faire une entente ou une alliance avec Ar-Rum, et vous allez être, donc faire une alliance de paix avec eux, et vous allez combattre, vous ainsi que eux-mêmes, un ennemi derrière vous. Le Cheikh Ibn Baz, il dit, ça c'est la signification de ça, c'est le fait que ça signifie de prendre l'aide de ces kuffars pour combattre un ennemi qui est derrière nous. Donc ça c'est la fin de la citation en question. C'est pour dire que donc dans l'islam, il est permis de prendre l'aide d'un kafir pour combattre un autre kafir. Comme c'était le cas par exemple dans la guerre du Golfe contre Saddam Hussein et son parti, le parti Baas, qui est un parti socialiste communiste qui combat l'islam, qui est contre l'islam. Donc c'était un combat dans lequel on a pris l'aide des kuffars contre un autre kafir. Et comme le cheikh l'a dit, même si c'était un musulman, mais que ce musulman-là veut transgresser contre des musulmans, alors dans ce cas-là, c'est permis de prendre leur aide pour se protéger, pour se défendre contre eux, contre ceux qui veulent transgresser. Non. Donc, il y en a des musulmans, malheureusement, à notre époque, je l'ai mentionné plusieurs fois, ils ne prennent pas en considération la réalité de l'état des musulmans et de la réalité du monde sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, de la façon dont il est aujourd'hui. Et eux, ils parlent de façon émotive de ces sujets-là, et ils parlent de façon idéaliste, dans le sens qu'ils ramènent des exemples de qu'est-ce qui devrait être dans le cas idéal, et ils oublient qu'on n'est pas dans cette situation-là, et qu'on n'est pas dans ce cas idéal-là depuis des siècles, et que les choses ne, donc les ulama, quand ils ont parlé de ces questions-là, ils ont parlé de ces questions-là selon les preuves du Coran et de la Sunna, pour clarifier ces questions. Donc c'est très important donc de revenir à l'exemple de ce que les ulama nous ont expliqué de ces questions-là, et c'est déjà une bonne chose qu'on soit au courant justement des exemples qui ont été mentionnés par les ulama sur la question, pour qu'on puisse justement avoir une compréhension plus correcte et plus exacte de ce sujet-là. Et il y a beaucoup d'autres exemples qui vont être mentionnés encore. On est juste à la preuve numéro, on a fini la preuve numéro 4 maintenant. Donc on va commencer à la preuve numéro 5 au prochain cours, Inch'Allah. Et comme j'ai expliqué lorsqu'on a commencé à lire les preuves, qu'il y en avait en tout 12 preuves qui ont été mentionnées par rapport à cette question-là. Donc il y a encore beaucoup de preuves à citer et d'exemples à clarifier pour montrer la situation par rapport à cette position-là chez les ulama. Donc pour l'instant, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et Inch'Allah, dans une demi-heure, il va être midi ici, à Montréal. En France, il est en ce moment 4h30. Donc, c'est peut-être à 5h30, Inch'Allah. C'est-à-dire, 12h30, on commencera l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Parce que hier, je devais le faire, mais j'ai été empêché de faire le dars comme j'avais prévu le faire. Donc aujourd'hui, on va se rattraper, Inch'Allah, puis dans, disons, une heure, on va essayer de faire le charh de le Fatwa Al-Hamawiyya, Inch'Allah.